Gwen Stefani sur RGM, il est un peu plus de 8h36, on fait un point anniversaire. Ils sont nés un 3 octobre 1933, naissance de Neil Fraser, joueur de tennis américain des années 50 et 60, qui a été numéro 1 en simple et qui a gagné 2 fois l'US Open, 1 fois Wimbledon, 3 fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros. Et à noter qu'en double, il avait gagné 3 fois l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open, 2 fois Wimbledon. Et il a remporté 4 Coupes Davis en 1959, 60, 61 et 62. 1959, naissance de Jack Wagner Jr., acteur américain connu pour avoir joué dans la série Hôpital Central, Melrose Place, le rôle du docteur Peter Burns, Sunset Beach, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, Titan dans le rôle de Jack Williams, Amour, gloire et beauté dans le rôle de Nick Payne Maron. 1964, naissance de Clive Owen, acteur britannique vu dans La mémoire dans la peau, le roi Arthur dans le rôle d'Arthur, Inside Mind, l'homme de l'intérieur dans le rôle de Dalton Russell, Elisabeth, l'âge d'or, Blood Ties ou encore Valérian et la cité des mille planètes dans le rôle du commandeur Arun Philitte. 1967, à naissance de Denis Villeneuve, cinéaste canadien à qui l'on doit Incendie, Prisoners, Enemy, Sicario, Premier Contact et plus récemment Blade Runner 2049. 1969, naissance de Gwen Stefani, chanteuse américaine qui fut membre du groupe No Doubt mais qui depuis a fait une carrière en solo à succès. On a pu l'apercevoir dans le film Aviator ou encore la série Gossip Girl. 1971, naissance de Kevin Richardson, chanteur américain membre du groupe Backstreet Boys, dont on écoute un extrait du titre Incomplete. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be. Voilà pour l'extrait du groupe Backstreet Boys. On continue. 1972, naissance de Nathalie Vincent, animatrice télé et radio française. 1973, naissance de Nevi Campbell, actrice canadienne, connue pour son rôle de Sidney Prescott dans les films Scream 1, 2, 3 et 4, vue à la télé dans La vie à 5 dans le rôle de Julia Salinger, Grey's Anatomy, et depuis la saison 4 dans House of Cards dans le rôle de Liane Harvey. C'est également l'année de naissance d'Ingrid Chauvin, actrice française, connue pour son rôle du lieutenant Marie Balaguer dans la série Femmes de loi, son rôle de Marie Valbonne dans la saga de l'été Méditerranée, son rôle de Marie Kermer dans la saga Dolmen, vu également dans La Taupe 1 et 2 dans le rôle du commandant Sandra Longo, Suspecte dans le rôle de Marina Devaux, Les Toquets et Weekend chez Les Toquets dans le rôle de Fanny Marsan, vu également dans Camping Paradis, Nos Chers Voisins, Joséphine Ange Gardien, et depuis 2017 elle incarne Chloé Delcourt dans Demain nous appartient. Et c'est aussi l'année de naissance de Lena Headey, actrice britannique vue à la télé dans Terminator, les chroniques de Sarah Connor dans le rôle de Sarah Connor, dans Game of Thrones dans le rôle de Cersei Lannister, au cinéma dans 300 et 300 la naissance d'un empire dans le rôle de la reine Gorgo. 1976, naissance de Sean William Scott, acteur américain vu dans American Pie 1, 2, 3 et 4 dans le rôle de Steve Stifler, dans Sheriff Fais-moi peur dans le rôle de Beau Duc, et bientôt à l'affiche de la saison 3 de la série L'Arme Fatale dans le rôle de Wesley Cole, et il est la voix originale de Crash dans L'Âge de Glace 2, 3 et 4. 1978, naissance de Shannen Sossamon, actrice américaine vue dans 40 jours et 40 nuits dans le rôle d'Erika, Kiss Kiss Bang Bang ou encore The Holidays dans le rôle de Maggie. 1979, naissance de Josh Klickhoffer, musicien américain, guitariste du groupe Red Hot Chili Peppers. 1980, naissance de Danny O'Donogh, chanteur irlandais du groupe The Script. 1981, naissance de Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic, footballeur suédois, professionnel depuis 1999, qui a joué à Malmö, à l'Ajax d'Amsterdam, à la Juventus de Turin, à l'Inter de Milan, à Barcelone, au Milan AC, au PSG, à Manchester United, et depuis cette saison, il joue au Los Angeles Galaxy. 1984, naissance d'Ashley Simpson, chanteuse et actrice américaine, connue pour son rôle de Cecilia Smith dans la série 7 à la maison, vue également dans Les Experts Manhattan, Melrose Place, Nouvelle Génération, dans le rôle de Violette Foster, et on s'écoute un extrait de son titre « Pieces of Me ». Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Cause you've come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my breath. Voilà pour l'extrait d'Ashley Simpson. On continue. 1986, naissance de Shirley Soignon, comédienne humoriste française qui a débuté dans le stand-up en 2008. Deux ans après, en 2010, elle s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission On ne demande qu'à en rire. 1988, naissance d'Alicia Vikander, actrice suédoise, vue dans Royal Affair dans le rôle de Caroline Mathilde de Hanovre. Agent très spéciaux Code Uncle, Danish Girl dans le rôle de Gerda Wegener, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, vue également dans Jason Bourne dans le rôle d'Heather Lee, et cette année elle a été à l'affiche du film Tomb Raider, hein, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, où elle interprète le rôle culte de Lara Croft. En 1990 décédé Stefano Casiraghi, qui fut l'époux de Caroline de Monaco. En 1998 décédé Roddy McDowall, acteur britannique, vu dans Macbeth, hein, dans Orson Welles dans le rôle de Malcolm, dans Cléopâtre dans le rôle de César Auguste alias Octavien, et connu pour son rôle de César dans La Planète des Singes, Le Secret de la Planète des Singes, Les Évadés de la Planète des Singes, La Conquête de la Planète des Singes et La Bataille de la Planète des Singes. En 2002, décédé Bruce Paltrow, réalisateur, producteur télé américain, père de Gwyneth Paltrow, scénariste de la série télé Hôpital Saint-Elsewhere. Et en 2004, décédé Janet Leigh, actrice américaine, vue dans les années 50 dans le film Les Quatre Filles du Docteur Marsh dans le rôle de Meg, vue également dans Psychose dans le rôle de Marion Crane, ou encore Halloween 20 ans après. Allez, avant de marquer une pause musicale avec les Red Hot Chili Peppers, comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma. Et on commence avec Aladdin 2, la suite d'Aladdin, comédie de Lionel Stichetti avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, et il y a Eric et Ramzy également à l'affiche de ce film. Autre film, on en entend parler depuis quelques jours, depuis même un petit peu plus longtemps maintenant, le fameux film de Bradley Cooper, A Star Is Born. Ça y est, il sort au cinéma aujourd'hui. Drame romance, donc réalisé par Bradley Cooper. Il joue également dans ce film aux côtés de Lady Gaga. Et selon les critiques, elle pourrait même recevoir un Oscar pour son interprétation. Et également à l'affiche de ce film, Sam Elliott. Autre film, Frère ennemi, un policier, de David Holofen avec Mathias Schoenaerts, Reda Kateb et Sabrina Ouazani. Autre film, No Bataille, un drame, de Guillaume Senez avec Romain Duris, Laure Calamy et Laetitia Deutsch. Autre film, Upgrade, un film de science-fiction thriller de Leg Whannell avec Logan Marshall Green, Betty Gabriel et Harrison Gilbertson. Un film d'animation maintenant, c'est La Chasse à l'ours, si vous avez envie d'aller au cinéma avec vos enfants. Il y a un documentaire également qui sort aujourd'hui, 16 levées de soleil avec Thomas Pesquet. Autre film, Amine, un drame, de Philippe Faucon avec Mustapha Mbe, Emmanuel Devos et Marem Ndiaye.

Les Red Hot Chili Peppers sur le 107 FM, presque 8h52, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera très nuageux avec quelques averses de pluie, en tout cas en matinée. Ça devrait se calmer pour cet après-midi. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés cet après-midi. Le retour du soleil se fera dès demain. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 7 et 8 le matin et 16 et 18 degrés pour demain après-midi. Et vendredi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin et entre 20 et 22 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En tennis, à Pékin, hier, à l'élimination de Gaëlle Monfils en 3-7 face à Verdasco, 2-6, 7-6, 7-6. Côté féminin, Caroline Garcia s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-3 face à Herzog. Pas de français ni de française sur les cours aujourd'hui à Pékin. Et à Tokyo, hier, Jérémy Chardy s'est qualifié en 3-7 face à Dzumour, 4-6, 6-3, 6-3. Aujourd'hui, Gilles Simon affronte Deminor et Benoît Paire, lui, affrontera Kei Nishikori. Et on termine cette actu sportive avec du football en Ligue des Champions. Lyon sauve les meubles en faisant un match nul 2 buts partout face au Shakhtar Donetsk. Lyon est toujours premier de son groupe, un point devant Manchester City. Le Real Madrid s'est incliné 1-0 au CSKA Moscou. La Juventus de Turin s'est imposée 3-0 face au club de Young Boys. Et Manchester United et Valence ont fait match nul 0-0. Ce soir, Monaco se déplace à Dortmund. Le PSG reçoit l'étoile rouge de Belgrade, l'Atlético Madrid reçoit Bruges et Tottenham reçoit le FC Barcelone. Voilà pour cette petite actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec donc le groupe The Script et leur titre The Man Who Cannot Be Moved. Sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on? If one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that did me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not hole in his world. Maybe I get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you see me on the news. And you'll come right into the corner, cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. Cause if one day you wake up and find yourself Le groupe The Script sur RGM, il est presque 8h58, c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Regarde ailleurs. À 10h, Les Ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 14h, rythme et poétrie avec Titouan. À 16h, à l'écoute des jeunes avec Cassandra. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée à Épinal Tatoucho. Et on se retrouve, nous, demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.